Émile Zola. Adaptation, Pauline Timonier. Réalisation, Baptiste Guiton. Dernier épisode. Après presque 3 mois de grève, affamés, endeuillés, à la demande de la compagnie qui leur promet de faire des efforts et de renvoyer les ouvriers belges, la plupart des charbonniers grévistes décident de retourner à la mine. Au Voreux, Catherine a décidé de redescendre. Et Étienne, qui ne sait plus quoi faire de sa vie et de cet échec, par amour, décide de l'accompagner. Ce qu'il ignore, c'est que son ami Souvarine a saboté le cuvelage du puits pour en finir avec la bête immonde avant de quitter le pays. Alors que tous sont descendus, le cuvelage cède sous la pression et l'eau s'engouffre dans le puits, emportant tout sur son passage. À la fin de la journée, après le décompte, on déplore encore 15 mineurs coincés au fond, dont Catherine, Étienne et Chaval. Ici, la veine Guillaume. Bon, je sais où nous sommes. Oh, nom de Dieu! Nous étions dans le bon chemin. Le vieux Mouk avait raison de vouloir sortir par Aquillard. Mais maintenant, on peut plus, c'est foutu. Non. Porte-toi à mon cou, je te porterai. Non. Laisse, je ne peux plus. J'aime mieux mourir tout de suite. Ah, on va continuer. Tous les deux. Il faut gagner les tailles supérieures. C'est notre seule chance. Écoute. Allons tout droit. Nous grimperons par la cheminée. Allez, viens. Étienne l'avait saisi et l'emportait. Il était grand temps. Ils montèrent dans la cheminée, trempés jusqu'aux épaules. Ils purent respirer quelques minutes quand ils eurent rencontré la première voie. Mais l'eau reparut. Il fallut se hisser de nouveau. Et durant des heures, cette montée continua. La crue les chassait de voie en voie, les obligeait à s'élever toujours. Quand ils furent à la dernière voie, ils regardèrent anxieusement chaque centimètre que l'eau gagnait. Si elle ne s'arrêtait pas, ils allaient donc mourir, écrasés contre le toit, la gorge emplie par le flot. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Attends. Pour le moment, l'eau ne bouge plus. Hein? Notre fuite dure bien depuis 6 heures. Ils vont descendre à notre secours. Oui, allez. En réalité, un jour entier s'était écoulé déjà dans leur montée au travers de la veine Guillaume. L'opinion de Négrel était que pas un des malheureux ne survivait. Les 15 avaient à coup sûr péri, noyé ou asphyxié. Seulement, dans ces catastrophes des mines, la règle est de toujours supposer vivants les hommes murés au fond. Et il raisonnait en ce sens. À votre avis, où se sont-ils réfugiés? Une idée? Les camarades ont dû monter, de galerie en galerie. Faut chercher dans les bois supérieurs. Alors les tâtonnements commencèrent. L'ingénieur descendu avec 10 ouvriers les faisait taper du fer de leurs outils contre certaines parties de la veine. Et dans un grand silence, chacun collait une oreille à la houille, écoutait si des coups lointains ne répondaient pas. Aucun écho ne venait. On s'entêtait pourtant, on cherchait dans l'énervement d'une anxiété croissante. Depuis le premier jour, la Maheude arrivait le matin à Réquillard. Elle s'asseyait devant le puits, sur une poutre, elle n'en bougeait pas jusqu'au soir. Quand un homme ressortait, elle le questionnait des yeux. Rien ? Non, rien. Le plan incliné est dans cette partie de la veine. Il n'est pas loin. Et le plan incliné communique avec celui qui dessert l'accrochage supérieur. C'est une issue. C'est une issue. Viens, on peut passer, je te jure. Pour se rendre au plan incliné, ils durent marcher, ployés en deux, de nouveau mouillés jusqu'aux épaules. Brusquement, ils se cognèrent contre des poutres qui barraient le plan. Par bonheur, une porte s'ouvrait là et ils débouchèrent dans une voie. Devant eux, La lueur d'une lampe les stupéfia. Encore des malins aussi bêtes que moi ? Ah, c'est toi, Catherine ? Bon, nous allons la danser ensemble. Il affectait de ne pas voir Étienne. Ce dernier, bouleversé de la rencontre, avait eu un geste pour protéger la herscheuse qui se serrait contre lui. Pourtant, il fallait bien accepter la situation. As-tu regardé au fond ? On ne peut donc pas passer par les tailles ? Ah, oui, par les tailles. Elles se sont éboulées aussi. Nous sommes entre deux murs, une vraie souricière. Mais tu peux t'en retourner par le plan, si t'es un bon plongeur. Hein ? Alors, tu restes ? Bah, c'est ce que tu feras de mieux. Et si tu me fiches la paix ? Moi, je te parlerai seulement pas. Il y a encore ici de la place pour deux hommes. Nous verrons bien lequel crèvera le premier. À moins qu'on ne vienne, ce qui me semble difficile. Si nous tapions, on nous entendrait peut-être. J'en suis là de taper. Tiens, essaie-toi-même avec cette pierre. Et l'affreuse vie commença. Ni Chaval ni Étienne n'ouvraient la bouche. Les heures s'écoulaient, on entendait le petit murmure de l'eau montant sans cesse. Un bruit émotionna Étienne et Catherine. Chaval se décidait à manger. Eux, que la faim torturait, le regardèrent. Tu sais, Catherine, il y en aura la moitié pour toi quand t'auras trop faim. Ouais ? Tu refuses ? T'as tort ? Elle avait baissé les yeux, craignant de céder, l'estomac déchiré d'une telle crampe que des larmes gonflaient ses paupières. Mais elle comprenait ce qu'il demandait. Les regards dont il l'appelait avaient une flamme qu'elle connaissait bien. Mais viens donc, bête. Va, mon enfant. Moitié de ma tartine. Catherine mâchait les bouchées péniblement. Chaval les lui faisait payer chacune d'une caresse, dans son entêtement de jaloux qui ne voulait pas mourir sans la ravoir devant l'autre. Laisse-la, nom de Dieu! Est-ce que ça te regarde? C'est ma femme, elle est à moi peut-être. Allez, fiche-nous la paix, hein. Fais-nous le plaisir de voir là-bas, si nous y sommes. Si tu ne la lâches pas, je t'étrangle. Ouais, méfie-toi, cette fois je te mange. Étienne à ce moment devint fou. Le besoin de tuer le prix, irrésistible, un besoin physique. Cela monta, éclata en dehors de sa volonté. Il avait empoigné dans le mur une feuille de schiste et il l'arrachait, très large, très lourde. Puis, à deux mains, avec une force décuplée, il l'abattit sur le crâne de Chaval. Oh mon Dieu, il est mort. Tu le regrettes ? Tue-moi aussi. Mourons tous les deux. D'une étreinte, elle s'attachait à lui et il l'étreignait également. Et ils espérèrent qu'ils allaient mourir. Mais la mort n'avait pas de hâte. Ils dénouèrent leurs bras. Il traîna le misérable. Il le jeta dans le plan incliné pour l'ôter de l'espace où il fallait vivre encore. Et ils s'épouvantèrent lorsqu'ils l'entendirent plonger au milieu d'un redressement d'écume. C'était la fin. Un grand silence régnait. La mine gorgée d'eau ne bougeait plus. Ils n'avaient maintenant sous eux que la sensation de cette mer, enflant du fond des galeries sa marée muette. On était au troisième jour. Négrel, désespéré, avait résolu de tout abandonner le soir. Elle y est ! Elle m'a répondu ! Arrivez ! non. Il s'était glissé par les échelles et il jurait qu'on avait tapé, là-bas, dans la première voie de la veine Guillaume. Mais nous avons déjà passé deux fois, vous dites. Bon, nous allons bien voir. Écoute. C'est moi que t'entends. Je remue les jambes. Non, non, pas ça. Là-bas, écoute. Et elle collait son oreille au charbon. Il comprit, il fit comme elle. Une attente de quelques secondes les étouffa. Puis, très lointain, très faible, ils entendirent trois coups, largement espacés. Tu as la pierre pour battre le rappel? Non, elle est restée sous l'eau. T'as les sabots. Oui. Sors les pieds, tape avec le talon. Vingt fois ils recommencèrent, vingt fois les coups répondirent. Ils pleuraient, ils s'embrassaient au risque de perdre l'équilibre. Enfin, les camarades étaient là, ils arrivaient. Est-ce une chance que j'ai appuyé la tête? T'as une oreille? Moi j'entendais rien. J'entendais rien. Enfin. On estimait à 50 mètres le bloc dont l'épaisseur les séparait des camarades. On attaque par ici, ici et ici. Et on creuse des galeries. On travailla jour et nuit. La besogne d'abord marcha très vite. On fit 6 mètres en un jour, presque 7 le lendemain. Seulement le troisième jour, on était tombé à 5, puis le quatrième à 3. La houille se serrait, durcissait à un tel point que maintenant on fonçait de 2 mètres avec peine. Je ne sens plus mes jambes. Ils étaient au fond depuis 6 jours. Ils souffraient horriblement de la faim. L'eau arrêtée à leurs genoux ne montait ni ne descendait. Et leurs jambes semblaient fondre dans ce bain de glace. Étienne tâtonnait fiévreusement dans l'obscurité lorsque près de lui, ses doigts rencontrèrent une pièce du boisage à moitié pourrie. Il l'émietta avec ses ongles et en donna une poignée à Catherine qui l'engloutit goulûment. Durant 2 journées, ils vécurent de ce bois vermoulu. Ils le dévorèrent tout entier, désespérés de l'avoir fini. Ensuite, la ceinture de cuir d'Étienne les soulagea un peu. Puis, quand la ceinture fut achevée, ils se mirent à la toile de leurs vêtements, la suçant pendant des heures. Sans doute, ils auraient succombé s'ils n'avaient pas eu de l'eau tant qu'ils en voulaient. Le septième jour, Catherine se penchait pour boire lorsqu'elle heurta de la main un corps flottant devant elle. Ah ! Dis donc, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Qui donc ? C'est lui ! Tu sais bien ! Oh, j'ai senti ses moustaches ! C'était le cadavre de Chaval, poussé jusqu'à eux par la crue. Étienne allongea le bras, sentit aussi les moustaches, le nez broyé. Attends, je vais le renvoyer. Mon Dieu ! Va-t'en ! Va-t'en ! Étienne dut le laisser. Quelques courants le ramenaient. Chaval ne voulait pas partir. Le neuvième jour, après des efforts surhumains, l'avancement était de 32 mètres. Pour les prisonniers, c'était la 12e journée qui commençait. Les coups lointains s'affaiblissaient depuis la veille. On tremblait de les entendre s'arrêter. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Zacharie ne répondit pas lorsqu'on l'appela pour le relais. Il avait obtenu d'être parmi les ouvriers d'élite mis à l'abattage. Et il s'emportait lorsqu'on voulait le relayer. Il était comme fou, il s'acharnait. Sans doute, Zacharie, mal éclairé, furieux de cette lueur vacillante qui retardait sa besogne, commit l'imprudence d'ouvrir sa lampe. On avait pourtant donné des ordres sévères, car le gaz séjournait en masse énorme dans ces couloirs privés d'aérage. Brusquement, un coup de foudre éclata. Une trombe de feu sortit du boyau. Tout flambait d'un bout à l'autre des galeries. Ce torrent de flammes remonta le puits, jaillit au grand jour en une éruption qui crachait des roches et des débris de charpente.

Lorsqu'on le sortit enfin, après l'avoir habitué aux lampes et nourri un peu, Étienne apparut décharné, les cheveux tout blancs. Et on s'écartait, on frémissait devant ce vieillard. La Maheude s'arrêta de crier pour le regarder stupidement de ses grands yeux fixes. Il était 4 heures du matin. Étienne, à longues enjambées, suivait le chemin de Vandame. Il venait de passer 6 semaines à l'hôpital. Jaune encore et très maigre, il s'était senti la force de partir et il partait. Déjà, une lettre de Pluchart où se trouvait l'argent du voyage l'appelait à Paris. C'était son ancien rêve réalisé. Une seule envie lui restait, dire adieu aux camarades avant d'aller prendre le train de 8 heures à Marchiennes. Il n'avait revu personne, mais il savait que tout le coron des 240 descendait à Jean Bar maintenant. La compagnie avait racheté la fosse à Denelin et elle abusait de son triomphe. Après 2 mois et demi de grève, lorsqu'ils étaient retournés aux fosses, les charbonniers avaient dû accepter le tarif de boisage. Le travail recommençait, à Mirou, à Madeleine, à Crèvecœur, à la Victoire. Partout, dans la brume du matin, le troupeau piétinait. Et dans ce retour en masse, dans ces ombres muettes, on sentait les dents serrées de colère, le cœur gonflé de haine. Lorsqu'Étienne arriva à Jean Bar, la descente commençait et la Maheude arrivait de la baraque. C'était par une exception charitable que la compagnie avait bien voulu la laisser redescendre à son âge. On l'employait à la manœuvre d'un ventilateur. Pendant 10 heures, elle tournait sa roue, au fond d'un boyau ardent, la chair cuite par 40 degrés de chaleur. Elle gagnait 30 sous. Hein ? Ça t'étonne de me voir, hein ? C'est bien vrai que je menaçais d'étrangler le premier des miens qui redescendrait. Et voilà que je redescends. Je devrais m'étrangler moi-même, n'est-ce pas ? Ah, va, ce serait déjà fait s'il n'y avait pas le vieux et les petits à la maison. Jeanlin travaille ? Oui. Ces messieurs lui ont trouvé de la besogne au jour. Il gagne 20 sous. Oh, je ne me blâme pas. Les 20 sous du gamin et mes 30 sous à moi, ça fait 50 sous. Si nous n'étions pas 6, on aurait de quoi manger. Estelle dévore maintenant. Et le pire, c'est qu'il faudra attendre 4 ou 5 ans avant que Léonore et Henri soient en âge de venir à la fosse. Nous aussi. Que veux-tu, eux après les autres ? Tous y ont laissé la peau. C'est leur tour. Alors tu pars ? Oui. Ce matin. Tu as raison. Vaut mieux être ailleurs quand on le peut. Et ça me fait plaisir de t'avoir vu. Parce que tu sauras au moins que je n'ai rien sur le cœur contre toi. On réfléchit, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'au bout du compte, ce n'est la faute de personne. Non, non. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tout le monde. Eh bien, si tu pars, il faut prendre chez nous tes affaires. Il y a encore 2 chemises, 3 mouchoirs, 1 vieille culotte. Non, non. Ça n'en vaut pas la peine. Ça sera pour les enfants. Et écoute donc, t'ai-je raconté ? Philomène est partie. Comment partie ? Ouais, partie avec un mineur du Pas-de-Calais. On a ton dit sur mon compte. Tu te souviens ? On disait que je couchais avec toi. Mon Dieu. Après la mort de mon homme, ça aurait très bien pu arriver si j'avais été plus jeune. N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, j'aime mieux que ça ne se soit pas fait. Car nous en aurions du regret, pour sûr. Ouais. Nous en aurions du regret. Alors elle lui serra la main. Très ému, il la regardait toujours, si ravagée et finie. Et dans cette poignée de main, il retrouvait celle des camarades, une étreinte longue, muette, qui lui donnait rendez-vous pour le jour où l'on recommencerait. Il comprit parfaitement. Elle avait au fond des yeux sa croyance tranquille. À bientôt. Et cette fois, ce serait le grand coup. Alors Étienne quitta la fosse. Le soleil paraissait à l'horizon glorieux. C'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Étienne eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Cette chaleur de vie gagnait, s'étendait en un frisson de jeunesse. Et pénétré de cet espoir, Étienne songeait à lui,